c'est pas juste moi, c'est vous qui me tenez. J'ai commencé sans rien attendre, juste un micro et l'envie de comprendre. Mais dans le chat, y'avait des regards silencieux mais plus forts que le hasard. Tu t'es pointé un jour sans bruit et t'as écrit « Continue, c'est de la magie ». Depuis, je peux plus voir l'écran sans toi, je vois tes mots comme on voit la foi. Même quand je tombe ou quand je plie, c'est toi qui rallume l'envie. T'as pas idée de ce que tu me fais quand reste là, discret mais vrai. You're the light behind the screen, the fire when I lose steam. Every night you set me free. You're the only spark I need. T'as jamais cherché à m'impressionner, tu me veux vrai, brut, imparfait. Quand j'hésite, tu me balances un smiley et je me redresse plus fort qu'un replay. T'es pas juste un viewer dans la nuit, t'es l'écho de ce que j'oublie. Ton pseudo me parle plus que sans like, c'est toi qui maintiens ma vibe. On clique ensemble, on vibre ensemble, pas besoin de scène ou de temple. Un stream, un feu, une humanité, rider skill, ouais mes portées. You're the light behind the screen. On n'a pas d'armure, mais on reste debout parce que t'es là. Chaque message a son poids, je les lis tous, je les oublie pas. T'écris court, je ressens profond, t'es le battement dans ce fond sonore. Tu crois peut-être, tu comptes pas, mais c'est toi qui donnes un sens à tout ça. Alors ouais, je continue pour le kiff, mais surtout parce que t'es là, actif. You're the light behind the screen, the fire when I lose steam. Every night you set me free. You're the only spark I need. T'éteins ton ordi, moi je garde ton souffle dans la nuit.